On va parler maintenant avec notre ami Stéphane Lebeau. Salut Stéphane. Salut Danny. Stéphane, je pose une question sur les médias sociaux aujourd'hui, puis je veux avoir ton opinion là-dessus. Si tu aurais un septième match de la Coupe Stanley à remporter, et quel gardien de but tu prendrais actif actuellement? Actif. Mon choix, ça tournerait vers des gagnants de la Coupe Stanley, puis je pense tout de suite à Marc-André Fleury. Oui. Qui, selon moi, là, en plus, il est au sommet de sa forme. L'année passée, dans des séries, là, il était extraordinaire avec Vegas. C'est un joueur qui est capable de donner une chance à son équipe de gagner et même à voler un match de hockey. Donc, mon premier choix serait Marc-André Fleury. Mais j'ai fait des petites recherches, Danny, et puis évidemment, Henrik Lundqvist des Rangers de New York a une excellente fiche de 6 victoires et 2 défaites lors des matchs numéro 7. Donc, il faudrait pas non plus, même s'il n'a pas gagné de Coupe Stanley encore, il faudrait le considérer. Mais justement, pour moi, avoir vécu la conquête de la Coupe Stanley donne un net avantage. C'est pour cette raison-là que Marc-André Fleury ou Matt Murray des Penguins de Pittsburgh pourraient être mes candidats. OK. Donc, puis Lundqvist, on n'a pas oublié Lundqvist. Donc, Carey est loin. Il est loin, oui, de son historique dans les séries éliminatoires me laisse perplexe. Ces deux dernières saisons, je parle de l'année passée, ce début de saison aussi, me laisse croire que Carey Price il est encore un gardien de but de qualité. Maintenant, est-ce qu'on peut le mettre dans l'élite des gardiens de but? Est-ce qu'il est maintenant encore le gardien de but dominant d'antan? J'ai mes réserves là-dessus. Je suis toujours en attente de le voir performer à la hauteur de ce qu'il a déjà fait dans le passé. Ah, regarde, écoute, moi, j'en suis un de ceux, là. Pas impressionné. C'est un gardien surévalué, selon moi. Il a connu une grosse année avec quand il a gagné le Trophy Hart et Vezina en même temps. À part de ça, là, ouais. M'excuse, là, les gens vont peut-être me tirer des tomates, là, mais Halak a fait plus que lui encore. À mes yeux, présentement, là, Halak a traîné le club en 2010, a emmené le Canadien en finale de conférence à lui tout seul. Regarde ce qu'il a fait de sa carrière. Constaté qu'on a une bonne saison. Bien évidemment, lorsqu'on fait le tour de la carrière de Carey Price à Montréal, Halak et puis même Christophe Baluev, là, très très longtemps, avait fait mieux que lui, mais on a toujours préféré Price à ses gardiens de but-là, peut-être avec raison. Par contre, est-ce que Price est devenu le gardien de but dominant ou le gardien de but plutôt qui fait la grande différence? Il a vraiment pas amené le Canadien très très loin dans les séries éliminatoires. Et puis là, ça fait 2 ans qu'il traîne de la patte. Il arrive avec un gros contrat. Et l'année passée, on a vu ses statistiques. Non seulement qu'il n'était pas très, très éloquent au travers de la Ligue nationale, mais même à l'intérieur, même si on compare Niemi Lindgren l'année passée, de ses 3 gardiens de but-là, il est le moins bon en pourcentage d'efficacité et en moyenne de but accordé. Cette année, tu le fais bien de le mentionner, le Canadien qui va très bien, mais c'est sans, c'est pas grâce à Carey Price que le Canadien va bien. C'est même le contraire. Peut-être que le Canadien pourrait être encore plus performant si Carey Price serait juste correct. Il est actuellement 23e au niveau des buts accordés et 28e au niveau des pourcentages d'efficacité. Donc, c'est très, très loin du joueur dominant qu'on s'attend de lui. Et dans ces deux critères-là, c'est Yaroslav Halak qui est le numéro 1 de la Ligue nationale. Lui qui, plusieurs pensaient que sa carrière était terminée, le pensant trop petit pour performer dans la nouvelle Ligue nationale. Il réussit très bien avec les Bruins de Boston jusqu'à présent. Donc, le débat va toujours être là, selon moi, Danny, tant et aussi longtemps que Carey Price ne va pas vraiment donner une chance ou emmener son équipe, le Canadien de Montréal, très, très loin en série éliminatoire. Jusque-là, pour moi, oui, il était un super gardien de but sur la scène internationale. Bon, mais avec Team Canada, faut s'entendre. Avec Team Canada, il y a plusieurs gardiens de but qui auraient eu même fiche que lui ou les mêmes médailles ou les mêmes trophées. Là, je veux rien enlever, mais la puissance du Canada est à ce point qu'on aurait pu avoir notre 3e meilleur gardien de but. On aurait pu gagner des championnats. Sauf pour moi, dans la Ligue nationale, Carey Price tarde à prouver sa réelle valeur en série éliminatoire. Et on espère que la saison est jeune, qui va se replacer, parce que le Canadien va avoir besoin d'un gardien de but là, au fur et à mesure que la saison va avancer. Je te pose la question, parce qu'encore une fois, ça a sorti la semaine passée, il y a eu un sondage je pense que c'est Hockey News qui l'a fait sur les gardiens de but, puis c'est encore Carey Price qui a sorti comme la même question que je te pose. Là. Je te pose la question. Le fait qu'il garde les filets à Montréal, dans un gros marché de hockey, est-ce que ça contribue à surévaluer sa valeur? Ben, moi, je pense qu'il y a ses succès sur la scène internationale qui, ça le suit toujours. Donc, les joueurs restent accrochés à ça. Ouais. Sa grosse année qu'il a connue avec Montréal, où il a gagné le trophée Vézina avec une équipe pas très forte. Donc, Price, oui, il est favorable parce que souvent, on se base sur sa réputation du passé. Mais pour moi, dans le monde des athlètes, c'est toujours à recommencer. Et dans les deux, trois dernières années, je ne peux pas dire que Carey Price est à la hauteur ou parmi l'élite des gardiens de but. Peut-être dans les 10 meilleurs, mais il va falloir commencer à avoir des bons arguments pour le placer dans les 5 meilleurs. Ben alors, c'est clair, c'est clair. Hey, Stéphane, je vais te poser maintenant, je vais te poser une question que je me demandais avec mon chum l'autre fois. Toi, tu as été entraîneur adjoint chez les Bulldogs d'Hamilton. Je te pose la question... quand on parle de développement, on dit tout le temps qu'il faut bien repêcher et il faut bien développer. Le succès des Lightning de Tampa Bay, c'est ça. Ça veut dire quoi, bien développer? Moi, je pense que quelque part, il y a beaucoup de, dans la Ligue américaine, il y a beaucoup de psychologie à faire. De ce que j'entends, toi, t'étais sur le plancher des vaches, t'es capable de me confirmer ça. Souvent dans la Ligue américaine, il y a des joueurs qui sont très déçus de redescendre en bas, perdent leur confiance et finalement, par la suite, c'est plafonne. Est-ce que c'est ça? Moi, je pense que c'est ça beaucoup. Bien, c'est sûr que le côté mental, émotionnel, rendu à ce niveau-là, peut faire une très, très grande différence. Ouais. La différence entre la ligne américaine et la ligne nationale, elle est en même temps pas très grande, puis en même temps très grande. Un joueur peut aller dépanner un club dans la ligne nationale un soir donné et bien paraître, mais est-ce qu'un joueur peut espérer d'avoir une longue carrière et surtout faire une différence pour une organisation? Et c'est là que les petits détails physiques, mentaux, techniques sur la patinoire, la façon dont on se prépare nos matchs, la façon dont on va faire face à l'adversité, aussi la vitesse d'exécution. Tous les joueurs qui arrivent dans la ligne américaine ont tous été repêchés parce qu'ils avaient des qualités certaines de joueurs de hockey. Maintenant, est-ce qu'on est capable de prendre ces qualités-là et les faire évoluer dans la vitesse et la rapidité de la Ligue nationale? Et c'est là que le développement est, oui, c'est physique, c'est technique, mais comme tu le mentionnes, c'est très mental. Donc, il faut frapper sur les bons clous. Et puis, comme intervenant, lorsqu'on est entraîneur-chef ou un entraîneur adjoint, on est là pour accompagner le joueur. D'un, il y a des limites. Parfois, il y a des joueurs qui vont plafonner. Ils ont atteint leur pleine capacité à 18, 19, 20 ans, et puis peu importe l'entraîneur qui va se trouver à côté d'eux, vont arrêter de progresser. Et t'as les autres joueurs, parfois, qui ont encore une marge d'erreur, mais ils vont prendre les mauvaises décisions, vont pas écouter les entraîneurs, vont faire à leur tête, vont écouter leur famille, leur agent. Puis ce qui va faire en sorte, c'est que leur petite attitude qui fait la différence va ralentir leur progression. Puis il y a plusieurs exemples. Et actuellement, je pense qu'un bon exemple dans l'entourage canadien de Montréal, c'est peut-être Nikita Scherbak. C'est un joueur qui, lorsqu'on regarde, il a tous les outils nécessaires en termes d'habilité sur glace. Mais est-ce qu'il a le mental, la maturité, les prises de décision pour faire de lui un joueur d'impact dans la Ligue nationale? S'il avait peut-être la tête d'un Sidney Crosby, je dis pas qu'il serait un Sidney Crosby, mais selon moi, il jouerait dans la Ligue nationale actuellement puis pourrait rendre de fiers services aux Canadiens. Par contre, un jeune immature qui comprend pas exactement c'est quoi les petits détails qu'on doit faire pour être efficace sur une patinoire, ben il gaspille son talent et à ce moment-là, ben ça devient difficile. Puis ça dépend des systèmes de jeu aussi, j'imagine. Un gars comme ça dépend du système de jeu qui fit ensemble aussi là. Ben tout vient ensemble, mais tu sais, les systèmes de jeu, si on fait le tour des 31 équipes de la Ligue nationale, c'est très, très similaire. Il y a des petites variantes ici, t'es là, mais c'est très, très similaire. Donc, c'est pas vraiment difficile, mais peu importe où on est, il faut quand même être capable de l'appliquer et de le jouer de façon collective. Et c'est là que certains joueurs vont bloquer. D'autres, c'est au niveau de la vitesse. D'autres, c'est au niveau de la détermination. Lorsqu'on se fait retrancher de l'alignement, comment qu'on réagit? Est-ce qu'on réagit avec du caractère ou est-ce qu'on va s'écrouler ou est-ce qu'on va se plaindre? Tous ces petits détails-là peuvent faire la différence entre le fait qu'un joueur va passer ou va pas passer dans la Ligue nationale. On va prendre l'exemple de Michael McCarron, OK? 6 pieds 5 pouces, il a toutes les habiletés pour être un... Il a le physique pour être un joueur de quatrième trio. Ce sera jamais un joueur de deux premiers trios, même troisième. Par contre, si on l'aurait placé à l'aile droite au lieu de au centre, parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas le coup de patin et qu'il n'y a pas les mains pour jouer dans la Ligue nationale. Donc, si tu n'as pas de coup de patin, tu es mieux à l'aile. C'est sûr qu'il faut trouver la bonne chaise aux joueurs en termes de position, en termes où on le fait jouer dans l'alignement. Est-ce que c'est sur un trio offensif, un trio plus défensif? Dans le cas de Michael McCarron, moi, je pense qu'il lui manque vraiment un élément de vitesse dans son jeu. Ouais. Même si on le placé à l'aile. Sur un quatrième peut-être trio. Peut-être ça serait mieux pour lui. Peut-être ça serait mieux pour lui, mais il arrive souvent en retard sur le jeu. Je l'ai vu jouer cette année à Laval. Il avait connu un très, très bon match d'ailleurs, mais c'était dans la ligne américaine. Mais lorsqu'il arrive dans la Ligue nationale, il est souvent en retard sur tout ce qui se passe et ça fait une grande différence. Et je sais que Joël Bouchard, cette année, il s'applique à essayer de l'améliorer à cet égard-là. Mais comme je dis, parfois, il y a des joueurs qui restent plafonnés. Ils se font repêcher à 18 ans. On les trouve bons ou on pense qu'ils ont un bon potentiel, mais en cours de route, ils vont plafonner pour différentes raisons. Le joueur décide de plus travailler fort les étés, il s'entraîne un petit peu moins fort dans le gymnase ou durant la semaine, et ça fait en sorte que les autres le dépassent. Et c'est la loi de la jungle, c'est qu'à un moment donné, t'as beau être bon, mais c'est pas suffisant d'être bon, il faut que tu sois meilleur que les autres. Et c'est la détermination, le vouloir souvent qui fait la différence. C'est parce que quand on parle beaucoup de vitrine dans le monde du sport, hein, on parle beaucoup de la vitrine est ouverte. La vitrine est ouverte pour les équipes, mais est ouverte aussi pour le joueur. Et dans le cas de Michael McCarron, il est en train de se refermer dangereusement. Oui, puis dans le monde des athlètes, ça se passe très, très rapidement. Il y a des athlètes qui le savent que c'est une course contre la montre, que la montre les aiguilles bougent très très vite et il n'y a pas de temps à perdre. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils ont une éternité devant eux. Lorsqu'ils arrivent dans la Ligue américaine, ils viennent de terminer leur stage junior, ils sont pas en mode panique, ils sont pas en mode urgence, ils pensent que ça... Non, et t'as pas beaucoup de temps pour faire une bonne impression, pas seulement au niveau de ton organisation, mais au travers de la Ligue nationale, parce que les autres équipes aussi te voient évoluer. Donc, si la première année de la Ligue américaine, tu connais des ratés, tu commences déjà à mettre des points d'interrogation dans ta propre organisation, mais également dans toutes les autres organisations. Donc après ça, là, c'est difficile à un moment donné quand les points d'interrogation s'accumulent, le monde commence à douter de toi. C'est pas facile de convaincre les gens là, que tu as ce qu'il faut pour passer, parce que l'année suivante, il y a d'autres nouveaux joueurs qui arrivent. C'est ça. C'est exactement sur la fin. Et après deux ans, il y a plein d'autres nouveaux joueurs qui arrivent. Donc à un moment donné, dans la hiérarchie, tu te fais bousculer très, très rapidement. Mais c'est pour ça que je te dis, les prises de bonnes décisions, la maturité, comprendre l'urgence de ta carrière, de la gérer, bien, ceux qui passent à côté de ça, bien, ils, pendant 2-3 ans, ils ralentissent leur développement, et puis, à un moment donné, ils payent pour. Ouais, effectivement. Dernier point que je veux te parler du côté de ce qui s'est passé à Ottawa dernièrement, lundi. Moi, j'ai pas trouvé ça si scandaleux que ça. Ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est que ce qui est grave, c'est qu'ils se sont fait pogner. T'étais dans une chambre d'hockey, Stéphane. Qui a pas parlé dans le dos de l'entraîneur adjoint, et ainsi de suite? Ça, c'est peu importe dans la sphère de la société, ça arrive à tout le monde. Puis tout le monde a parlé dans le dos. Là. Faut être honnête à parler dans le dos du monde. Là. Faut être honnête là-dedans. Là. Le hockey, Danny, le sport professionnel, c'est un sport, c'est un monde très émotionnel. On veut performer, on veut bien paraître, on veut que l'équipe performe, on veut que les individus performent. Ouais. Et lorsqu'une équipe se trouve dans des situations difficiles, ben il y a des joueurs qui vont assumer leurs responsabilités, mais il y a aussi parfois des critiques qui vont avoir lieu envers certains joueurs, le gardien de but. Ça peut être le personnel d'entraîneur. Et puis c'est la même chose. Moi, aujourd'hui, je suis entraîneur. Et le bilan d'un match, Stéphane. Des fois, on est émotif et puis on peut dire certaines choses de joueurs. C'est sûr qu'il faut essayer de toujours le faire dans le respect, de le faire de façon surtout en privé, et tu fais bien de le mentionner. Penses-tu, Stéphane, sincèrement, là, t'as beau t'appeler Stéphane Lebeau, t'as joué dans la Ligue nationale, c'est juste un aurore que t'as une crédibilité en partant auprès des joueurs. Mais si tu serais pas pédagogue, ou je sais pas, mais probablement que ta crédibilité en perdrait pour son lustre. Puis à part de ça, selon toi, Stéphane, soyons honnêtes, il y a des joueurs qui ont dû te parler dans ton dos facilement. Là. Faut pas jouer à l'autruche là-dedans. Là. Ah ben non, écoutez, faire l'unanimité dans ce monde-là, c'est impossible. Ouais. On a beau gagner des championnats, gagner, avoir des saisons gagnantes, tout ça, il y a toujours des malheureux, il y a toujours des frustrés. On prend des décisions qui fait plaisir à certains, que les autres ne vont pas apprécier. Ça fait partie du monde du sport. Par contre, il faut gérer la communication, il faut gérer nos émotions. Et dans ce cas-ci, les joueurs d'Ottawa, ils ont été imprudents. Ça s'est contourné contre eux. Maintenant, Martin Raymond, il a connu beaucoup de succès comme entraîneur et il a eu des moments plus difficiles comme les autres entraîneurs également. Là, présentement, il se fait taper sur les doigts. Mais lui, peut-être aussi, il dit, ben moi, je leur dis des plans de match, mais ils sont pas capables d'exécuter. Donc, c'est un couteau à deux tranchants. Ça fait en sorte, ça démontre encore une fois la pression qu'on a dans un vestiaire professionnel de performer. Et lorsqu'on performe pas, ça peut susciter des critiques de part et d'autre. Mais lorsque ça se retrouve dans les journaux ou comme ceci là sur les réseaux sociaux, ça peut faire beaucoup de dommages. Moi, j'ai retenu une phrase de Pat Burns lorsqu'il jouait, lorsque ça allait mal, il dit lorsque ça va mal, chaque joueur doit prendre une bouchée de la misère de l'équipe. C'est pas vrai qu'on va commencer. Tout le monde a sa part de responsabilité lorsque ça va bien et tout le monde a sa part de responsabilité quand ça va pas bien. Donc, les joueurs auraient pu se garder une petite gêne peut-être, mais on va voir l'étendue des dommages. Là, on a fait son mea culpa. On semble avoir passé l'éponge. Est-ce que ça va laisser des traces, des séquelles dans le vestiaire d'Ottawa? Surtout pour Martin Raymond. On espère que les sénateurs vont se replacer, que Martin Raymond là, va retrouver la confiance de ses joueurs. Effectivement, surtout. On pourrait en parler longtemps. En tout cas, Steph, en terminant, je veux te parler de Jesperi Kotkaniemi. C'est sûr qu'on aime ça le comparer à Jesperi Kotkaniemi, mais quand on le compare à des joueurs, c'est toujours le fun de comparer un joueur. Et te fais-tu penser à Vincent Lecavalier ou Matt Sundin? Moi, je pense qu'il est beaucoup tôt pour comparer Kotkaniemi à ces deux grands joueurs de hockey là. Je l'aime bien. Le physique, le patin, la vision de jeu, et ainsi de suite. Ouais, je dirais qu'il y a plus un style selon moi qui s'apprivoise à Vincent Lecavalier qu'à Matt Sundin personnellement. Maintenant, est-ce qu'il va devenir un aussi bon joueur qu'eux? Faut le souhaiter. Mais il demande des signes encourageants. Il a une bonne vision. Il passe bien la rondelle. Je suis même étonné de le voir évoluer de cette façon-là. Donc, c'est encourageant. Et puis, en espérant qu'il va continuer à maintenir la cadence, et ça, à ce moment-là, ça serait extraordinaire pour le Canadien. Oui, effectivement. Steph, on s'en parle bientôt. Merci, Danny. Bonne journée.